Histoire vivante, c'est tout de suite à l'écoute des programmes de la première. Très bel après-midi à tous et à toutes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Ces gens-là agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens et ils nient toute forme d'Holocauste. Des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Moi, je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique, c'est que le gouvernement d'Allemagne de l'Est décide, par exemple, de supprimer le mur. Cette semaine, l'Allemagne et ses démons, d'un mur à l'autre, le ventre est toujours fécond d'où a surgi la bête immonde. La porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestations, on croit rêver. Ce 13 août 1961, à l'aube, les Berlinois n'en croient pas leurs yeux. D'énormes rouleaux de fil de fer barbelés ont été déployés, séparant les secteurs occidentaux et soviétiques de leur ville. Ils ne vont pas en rester là puisque 3 jours plus tard, en lieu et place des barbelés, c'est à présent un mur qui est édifié. La partie occidentale de Berlin va dès lors vivre dans un statut des plus particuliers. Ville à la fois occupée et cernée d'une muraille infranchissable, gardée nuit et jour de chaque côté, une muraille de 165 km de long, dont 45 divisent Berlin du nord au sud, un mur formé de plaques de béton hautes de 4 mètres, doublé au fil du temps de miradors, de multiples systèmes de détection, de tirs automatiques, pour tenter de parer l'hémorragie, seule cause réelle de l'existence du mur. Cette hémorragie qui voit, en une journée, avant l'édification du mur, 2 à 4 000 Allemands de l'Est partir pour l'Occident. Cette hémorragie de 4 millions de personnes qui, de 1949 à 1961, fuirent le camp soviétique. C'est en cela que l'on dira que le mur de Berlin retient les Allemands de l'Est prisonniers chez eux, tandis que de l'autre côté du mur, on préférera parler de « protection » vis-à-vis de l'Ouest. Toujours est-il qu'en 28 ans, ce mur aura tout lieu de dépasser le statut initial qui lui était assigné pour devenir le symbole absolu du rempart entre les deux blocs. Il serait faux de croire que le mur était cependant parfaitement étanche. De fait, il était même franchement ouvert pour tous ceux qui, vivant à l'Ouest, venaient régulièrement travailler à l'Est. Eh oui, vous avez bien entendu, malgré le taux de change, malgré les systèmes économiques, un certain nombre d'Allemands de l'Ouest passaient le mur chaque matin pour se rendre à leur travail. Quand on leur posait la question sur la nature de leur activité, la plupart préféraient répondre vaguement « des affaires ». On n'en savait jamais plus. Mais le mur démontrait en revanche toute son étanchéité pour les Allemands de l'Est qui, eux, continuaient de vouloir partir. Nous l'avons évoqué hier, 1001 stratagèmes, dont ce fameux tunnel de 200 mètres de long dont on a dit qu'il avait peut-être été sponsorisé par un important quotidien d'Allemagne de l'Ouest, qu'importe. 28 années plus tard, le monde compte ses dernières heures depuis qu'en URSS, un homme nouveau a émergé. Chapitre unique, l'histoire d'une destruction. Oui, Mikhail Gorbatchev a pris les rênes de la deuxième puissance du monde au cours de la décennie 80 et en quelques années a imposé au monde, Afghanistan mis à part, une autre URSS. L'URSS de l'ouverture, une URSS de la transparence, une URSS du désengagement militaire, seule issue à ses yeux capable de rééquilibrer l'économie du pays. Sur le plan intérieur, la partie est loin d'être gagnée, comme le précise un député réformiste, Viktor Afanassiev. Nous n'avons pas commencé des changements réels dans le domaine économique. Nous avons préparé les changements et nous avons discuté comment il est nécessaire de changer les fondements économiques de la vie sociale et politique à l'Union soviétique. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans le domaine démocratie, il y a dans le domaine de glasnost, mais quand il n'y a pas de fondements économiques, tous les changements dans le niveau politique, de propagande, c'est des choses trop fragiles. Trop fragile sans doute, mais cependant le temps du changement est bel et bien venu et il va toucher, un à un, tous les pays satellites de Moscou. Lors de sa première visite officielle en République fédérale allemande en mai 89, Mikhail Gorbatchev informe le chancelier Kohl de l'abandon de la doctrine Brejnev. Moscou n'est plus disposé à s'opposer par la force à une transformation démocratique des États satellites. Cela sonne le glas à court terme de la République démocratique allemande, dont l'existence ne se justifie que par l'idéologie. Dès le 2 mai, la Hongrie décide de démonter le rideau de fer, et le 11 septembre, elle ouvre sa frontière avec l'Autriche. Ces mesures provoquent le départ massif d'Allemands de l'Est. D'autres se réfugient dans les ambassades de la République fédérale, à Prague et à Varsovie, et en 6 mois, ce sont ainsi plus de 220 000 Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest. Dans le même temps, des groupes d'opposition, Nouveau Forum, Démocratie Maintenant ou encore Rupture Démocratique, désireux de changer la République démocratique allemande de l'intérieur, ces groupes se développent à l'abri des églises et contestent le pouvoir en place à Berlin-Est. À Leipzig, les prières de paix et les manifestations du lundi réunissent de plus en plus de protestataires non violents, malgré les interventions brutales de la police. 1000 manifestants le 4 septembre, 120 000 le 16 octobre, qui scandent des slogans politiques, « Élections libres »,« Nous restons ici »,« Nous sommes le peuple ». Pour Daniel Cohn-Bendit, un autre petit pas pour l'homme ferait sans doute faire un grand bond à une partie de l'humanité. Moi, je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique de l'Allemagne de l'Est et donc créer tout d'un coup une dynamique constructive, c'est que le gouvernement d'Allemagne de l'Est décide, par exemple, de supprimer le mur. Je crois que ça serait un effet symbolique extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment, il y aurait vraiment un grand exode. Je crois que la plupart des gens resteraient en Allemagne de l'Est. Ils ne partiraient pas plus que maintenant. La République démocratique allemande célèbre le 7 octobre son 40e anniversaire, mais la fête tourne à la protestation contre le régime qui procède à plus de 1000 arrestations. Invité d'honneur, Gorbatchev est accueilli devant le palais de la République par les suppliques des manifestants. « Gorbi, aide-nous » entend-on. Il annonce alors que celui qui vient trop tard est puni par la vie. Cet avertissement s'adresse à la direction du parti qui va bientôt limoger Erich Honecker. En Allemagne de l'Est, on a le tournis, mais on garde aussi la tête sur les épaules. Ou alors, peut-être qu'on ose encore trop y croire. Pour toutes les gens, les événements ont été très importants. On est beaucoup impressionnés de tout ça parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Pour ainsi dire, c'était presque une surprise que le changement va aussi vite. Quand j'ai reçu les nouvelles à la radio, qu'on peut recevoir un passeport, voyager comme on veut, j'ai pleuré. Mais cette possibilité est déjà réelle maintenant? Vous avez la possibilité déjà maintenant d'aller à l'étranger? Non, pas encore. Le nouveau gouvernement prépare une nouvelle loi dans ce sens. Et cette loi sera discutée avec la population. Et on espère que ce sera adopté vers la fin de l'année. Et on a dit que chacun recevra un passeport et il n'y aura plus de cause nécessaire pour aller à l'étranger. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi cette nouvelle attitude des gens ici en Allemagne de l'Est, alors qu'auparavant, eh bien, on craignait quand même de manifester? Alors, qu'est-ce qui a donné le déclic pour ce changement? Le déclic, c'était peut-être au début les événements en Union soviétique, ce grand changement qu'il y a là-bas, et après les changements qu'il y avait en Pologne et en Hongrie aussi. Et après, ce qui était la grande surprise pour notre gouvernement aussi, c'était la fuite de toutes les gens par la Hongrie quand la Hongrie a ouvert les frontières. Qu'est-ce qui s'est passé d'inhabituel à Karlsmarkstadt depuis le changement, non pas de gouvernement, mais depuis le changement d'habitude? Il y a toujours des manifestations, quelquefois même plusieurs manifestations par semaine. Ce sont ici à Karlsmarkstadt à peu près 20 000 personnes qui manifestent le soir dans la rue, par exemple avec des bougies. Les gens se rassemblent dans les églises et après ils font une manifestation à travers la ville. Au début, on disait que c'était tous des voyous qui sont dans la rue et des associés qui ont quitté la DDR, mais ce n'était plus possible de dire ça parce qu'après, les gens criaient dans la rue. Nous voulons rester ici, nous ne sommes pas des voyous, nous sommes le peuple. Et c'est pourquoi on a changé maintenant, on veut le dialogue. Ce sont des choses qui n'étaient pas imaginables il y a quelques mois même. Mais c'est vrai, c'était inimaginable. Est-ce que l'on pense en Allemagne de l'Est à une réunification de l'Allemagne? Non, je ne crois pas que c'est ça que les gens veulent, parce qu'on a déjà accepté qu'il y a deux Allemagnes et... Je ne suis pas d'avis que les autres nations comme la France ou l'Angleterre doivent avoir peur, parce que je ne crois pas que c'est le but des gens qui manifestent maintenant. Alors que veulent les Allemands de l'Est? Ils veulent rester ici. Ils veulent certainement concevoir le socialisme, mais ils veulent avoir un socialisme plus attractif. Ils veulent un peu plus de liberté et ils veulent travailler en paix et dire ce qu'ils pensent. Et s'ils obtiennent cela, ils seront heureux. C'est à voir. Bien sûr, cette interview aurait été fort incomplète s'il n'avait pas été fait référence au grand modèle. Est-ce que Karl Marx représente encore quelque chose pour vous? Oui, certainement, parce que c'est un personnage de l'histoire qui a fait la théorie du socialisme, pour ainsi dire, je le crois. Donc ça ne va pas ternir son image, selon vous? Oh non, Karl Marx, non. Parce qu'il n'a rien à voir avec toutes les fautes qu'on a commises dans le pays. De toute façon, responsable ou pas, Marx, où qu'il se trouve, va, comme le reste du monde, rester les yeux écarquillés face aux événements qui vont secouer Berlin, cette fameuse et célèbre nuit du 9 novembre 1989. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Roger Waters, membre du groupe Pink Floyd, possède plusieurs albums solo à son actif. The Wall, Live in Berlin, est un disque enregistré durant la semaine de la tombée du mur de Berlin. Ce concert a été réalisé pour des œuvres de charité. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. minuit, je suis à Berlin, devant le mur. Mais depuis 3 heures déjà, il n'y a plus de mur de Berlin. Ces parpaings de béton, ces lourdes barrières métalliques n'existent plus. Et pourtant, je les vois, mais la réalité est devenue mirage. Par dizaines, par centaines, les Allemands de l'Est, qui ont depuis 3 heures le droit d'aller se promener à l'Ouest sans même un document, se précipitent. Ils courent. Ils sont en groupe, entre amis, en famille. Ils portent des bébés sur leurs épaules. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent. D'autres font sauter les bouchons des bouteilles de mousseux qu'ils ont apportées pour fêter l'événement, pour fêter l'unité de Berlin. C'est la première fois qu'ils vont en Occident, ils le crient, ils sont enfin libres, ils ne sont enfin plus des emmurés vivants. De l'autre côté, les Allemands fédéraux les attendent, on s'embrasse, on se congratule, on est enfin ensemble. Et ces retrouvailles ont lieu sous l'œil amusé, parfois embarrassé, presque toujours bienveillant, de ces Vaupaux qui, il y a quelques mois encore, avaient l'ordre de tirer sur ceux qui tentaient de fuir un pays qui n'était qu'une prison. Maintenant, il est 1h30. Je viens de sauter avec des dizaines d'Allemands de l'Est les grilles qui interdisent l'accès de la porte de Brandebourg. Je la traverse d'est en ouest. Je marche vers le mur sur lequel des Allemands fédéraux sont debout, criant « Le mur est mort, le mur est mort, abattez-le !» Quelques Allemands de l'Ouest profitent de cette folle nuit pour sauter vers l'Est. « Où est la liberté ?» demande l'un d'eux en riant, « à l'Ouest ou à l'Est ?» Il y en a qui ont amené des caisses de bière sous la porte de Brandebourg. Des Berlinois de l'Est et des Berlinois de l'Ouest trinquent à leur retrouvaille autour d'une chope de la boisson nationale des vieux Germains. Un moment, la police des frontières s'inquiète, elle forme un cordon devant le monument et puis elle abandonne, elle se replie sur les deux côtés, sous les applaudissements de la foule des Berlinois réunis. Murée depuis 28 ans, la porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestations, on croit rêver. Harold Hauser, pourchassé par la Gestapo en 1933, doit fuir l'Allemagne comme d'autres intellectuels allemands. Il a alors 21 ans. Réfugié en France, il connaît la dure vie des émigrés. Il rédige des tracts et des journaux en langue allemande que ses compatriotes distribuent. Il fonde le journal clandestin Volk und Vaterland pour dresser les soldats allemands contre le régime hitlérien. Lors de la libération de Paris, il s'adresse à eux en langue allemande au micro de la radio française. Un demi-siècle plus tard, c'est de nouveau à la radio que l'écrivain Harold Hauser s'exprime. Je me sens citoyen de ce pays, mais pour ce qui concerne le sentiment nationaliste, je dirais presque, parce que national, c'est différent. Moi, je considère que je suis un citoyen de la RDA, honnête, mais je ne suis pas un nationaliste allemand. Et la nation allemande, l'unification, je ne peux pas me l'imaginer pour le moment. Ça peut venir un jour, mais ça peut être très, ça va être très différent de ce que ou ceux en Allemagne fédérale ou quelques-uns chez nous l'imaginent. Ça sera ni un pays socialiste, ni un pays capitaliste. Ça sera peut-être une confédération pendant un certain temps lorsque l'Europe se sera réalisée. Il est évident que les relations entre notre pays et l'Allemagne fédérale changeront également. Mais quel caractère ils ont, je ne sais pas. De toute façon, la soi-disant réunification allemande, comme ils disent en Allemagne fédérale, ça, c'est là, moi je le crois, absolument impossible. Nous ne serons jamais des capitalistes et ils ne seront probablement jamais des socialistes. Et ils sont beaucoup, bien au-delà des frontières allemandes, à penser cela. 11 mois plus tard, tout est bouleversé. Oui, c'était bien la journée des adieux hier à Berlin, la journée des adieux avant la disparition définitive à minuit de la République démocratique allemande. Des adieux tous azimuts ou presque, qui avaient commencé le matin déjà avec la dernière réunion du commandement allié de la ville. Le commandant britannique de Berlin, le major général Corbett, a donc pu frapper son marteau une dernière fois sur le pupitre officiel. And I now close this final meeting of the Allied Commander Tora with a good solid bang. Helmut Kohl. Das ist eine C'est un moment de joie pour moi et pour des millions de compatriotes. J'ai toujours pensé que ce moment arriverait, mais je n'ai pas pensé qu'il arriverait maintenant. Pas plus que quand j'étais au symposium de Davos. Là-bas, je savais que le régime communiste était en voie d'effondrement, mais j'ai compté sur une transition plus longue. Les habitants de la RDA ont réussi à l'obtenir par leurs manifestations pacifiques. Et c'est bien ainsi. Nous sommes maintenant dans une Allemagne unie et nous sommes sur la voie d'une Europe unie. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne et le 31 décembre 1992, le marché unique européen, qui est une étape sur le chemin de l'Europe. Vous savez, je suis né en 1930. J'avais 9 ans quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Ma ville d'origine, Ludwigshafen, a subi d'importants dégâts. Mon père était soldat, mon frère est mort alors qu'il avait à peine 18 ans à la fin de la guerre. J'ai vécu moi-même, après la guerre, les privations alimentaires et les espoirs de l'époque. Et maintenant, l'un des espoirs devient réalité. C'est bien pour notre peuple. Mais la peur d'une nouvelle grande Allemagne. Pourquoi quelqu'un devrait-il avoir peur en Suisse? La nouvelle Allemagne est un pays européen qui a des frontières ouvertes. Les 40 ans de la République fédérale en témoignent. Si vous entendez par là que l'on envie notre réussite économique, il n'est pas nécessaire de s'étendre là-dessus. L'envie est toujours mauvaise conseillère dans la vie privée, comme dans les relations entre États. Nous allons nous intégrer à l'Europe et si les autres, même les Suisses, travaillaient autant que les Allemands à l'intégration, alors personne n'a à avoir peur. Je ne pense pas qu'il y ait eu de raison d'avoir peur. Nous voyons le poids de notre histoire et les événements effroyables auxquels l'Allemagne est associée. Nous ne l'avons jamais oublié et nous ne devons pas l'oublier. Mais de grâce, songez au fait que 2/3 des Allemands aujourd'hui sont nés et ont grandi après Hitler. Ils veulent avoir leur chance et ils l'ont. Certes, mais les espoirs et la volonté d'Helmut Kohl vont devoir se frotter aux fantômes et au spectre d'intolérance qui obsède encore certaines consciences. Extrait de « Après le mur », une émission du mois de janvier 1993, Sylvie Lamblay interroge l'écrivain philosophe, traducteur de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, Vincent von Wroblewski. En ce qui concerne l'optimisme pour le futur, c'est difficile. J'hésite beaucoup à être prophète et je pense qu'on ne peut pas l'être actuellement. Dans le meilleur des cas, les choses vont bien évoluer et bon, quand la génération sacrifiée sera oubliée pour la nouvelle, ça ira. Mais il peut aussi y avoir une prolongation plus longue de la crise actuelle, du chômage, et ceci non seulement en Allemagne mais tout autour, parce que l'Allemagne n'est pas indépendante de ce qui se passe dans le monde. Et ça peut encore exacerber les nationalismes, la xénophobie, une tendance générale de la société vers la droite, ou même l'extrême droite, et là je suis très pessimiste. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas la misère qui est la menace dans cette partie du monde. Mais ce jeu que craint, c'est des conditions politiques où la violence devienne plus forte, où on ne puisse plus se sentir à l'aise, où on sent que chaque étranger qui est à côté a peur, etc. Et c'est une peur donc que je partage et qui me crée un malaise. Je voudrais pouvoir vivre avec les gens de toutes les couleurs, de tous les pays, d'une façon amicale et pas en ayant l'impression que moi, parce que ressemblant à un Européen du centre, je suis senti comme une menace par quelqu'un qui ne me ressemble pas. Ça me met très mal à l'aise. Nul doute que dans l'esprit de Vincent von Wroblewski, les événements de Rostock-Lichtenhagen surgissent encore comme des cauchemars. Nous les évoquerons demain. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Isabelle Barthes. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker.